Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins explorent quotidiennement la pensée sauvage en compagnie d'Antoine Ravon, Jean-Daniel Loup, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie et Mathilde Wagman. À la lecture anthropophage des textes cette semaine, Mathias Mine, à la réalisation mythologique, Midia Portis-Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son tropicale, Michel Mestre. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où chaque semaine nous donnons la parole à ceux qui réconcilient philosophie et actualité sous toutes ses formes. Table ronde autour d'ouvrages philosophiques qui viennent de paraître, rencontre avec un philosophe contemporain au parcours singulier, regard croisé de philosophes sur l'actualité, mais aussi séminaires et festivals, autant de manières de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Au programme aujourd'hui, plusieurs questions. Qu'est-ce qui fonde une société? Quel est le rapport entre la parenté et la société? Et plus largement, pourquoi l'ethnologie serait, au dire de Claude Lévi-Strauss, la meilleure méthode pour réfléchir sur l'homme? Lévi-Strauss, sans le prénom, c'est aussi le titre du dernier livre de Maurice Godelier, ancien maître assistant de celui qui était alors titulaire de la chaire d'anthropologie sociale au Collège de France. Et ce livre, ce Lévi-Strauss, celui de Maurice Godelier, c'est notre sujet du jour. Si on veut comprendre l'homme, on peut, à la manière du philosophe, se replier sur soi-même et essayer d'approfondir les données de la conscience. On peut essayer de regarder ce qui, dans les manifestations de la vie humaine, est le plus proche de nous, considérer notre histoire depuis ses origines gréco-romaines jusqu'au temps moderne, ou bien on peut essayer d'élargir la connaissance de l'homme pour y inclure même les sociétés les plus lointaines et qui nous paraissent les plus humbles et les plus misérables, de manière à ce que rien d'humain ne nous reste étranger. Bonjour Maurice Godelier. Bonjour. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Merci, merci. Votre livre s'appelle Lévi-Strauss, donc. Il est sorti en octobre dernier aux éditions du Seuil. Et c'est l'occasion pour nous d'y consacrer une émission à Lévi-Strauss notamment, aussi à votre pensée, de voir comment cette pensée ou ces pensées ont un écho contemporain en particulier, peuvent nous aider à penser le monde y compris en 2013. Nous venons d'entendre la voix de Lévi-Strauss qui lui-même définissait l'ethnologie comme étant la meilleure méthode pour comprendre l'homme. Alors en quoi l'ethnologie est-elle une méthode particulièrement appropriée, peut-être même la seule, pour comprendre ce qu'est l'homme? C'est-à-dire, pour être ethnologue, il faut se décentrer complètement par rapport à soi, à sa culture d'origine. Donc c'est un travail sur soi permanent, on ne peut pas faire autrement. Et ce décentrement nous met dans d'autres logiques de pensée, d'autres façons d'agir. Et donc l'universalité qu'on peut atteindre, c'est par comparaison des différences, plus que des ressemblances. Et donc, ce que disait Lévi-Strauss maintenant, l'humain, c'est l'ensemble des façons de penser et d'agir que les hommes ont inventées dans leur histoire et qui coexistent encore aujourd'hui sur la planète. Donc l'anthropologue, si vous voulez, à la différence du sociologue qui va travailler sur nos sociétés et parfois exporter ses méthodes, l'anthropologue a une méthode qui est particulière, c'est ce qu'on appelle l'observation participante, c'est-à-dire on reste pendant plusieurs années, on se fait accepter, ce qui est difficile, on essaie de comprendre les manières d'agir, les manières de penser, on n'a pas de préjugés, mais où les préjugés qu'on a, il faut les refouler, c'est un travail sur soi. Et donc, l'ethnologie, quand vous regardez aujourd'hui le monde tel qu'il est, de plus en plus globalisé, où les jeunes vont les travailler en Chine ou ailleurs, c'est quand même avec l'histoire des cultures, parce qu'on ne peut pas être ethnologue sans connaître l'histoire, ça n'a pas de sens. Eh bien, la combinaison de l'histoire et de l'ethnologie de terrain, c'est quand même un instrument extraordinaire de connaissance de l'autre et de l'altérité des autres. Mais l'altérité des autres vous met en question. Et donc c'est un retour sur soi permanent quand même. Au bout du chemin, c'est soi-même. Mais on a traversé beaucoup d'autres d'autres pensées, d'autres formes de pensée et d'agir. C'est ça qui compte pour nous. Donc, si vous voulez, le philosophe qui parlerait d'abstraction, hein, c'est-à-dire la vérité, la liberté ou je ne sais quoi, il faut sortir de soi. Parce qu'on ne peut pas comprendre, si vous voulez, moi-même j'ai fait une agrégation de philo quand j'étais petit, là. Donc j'étais baigné dans Aristote et j'étais très husserlien. Donc dans le monde moderne, la philosophie de Husserl était très importante pour moi, la phénoménologie, quoi. J'avais fait un diplôme sur Hegel et la dialectique, enfin bref. J'ai parcouru quand même quelques éléments de la pensée occidentale. Mais je me souviens qu'une fois être rentré après le terrain, ça peut vous intéresser, après 3 ans de terrain chez les Barouilla, je prends le métro, ce qui était déjà devenu difficile, et j'achète la propédeutique philosophique de Hegel qui venait de sortir en français. Et donc je commence à le lire dans le métro les 2 premières pages, et ça m'est tombé des mains. Je vais vous expliquer pourquoi. Il définissait l'individu comme un être de liberté, et la liberté comme l'infini à l'intérieur du fini. Et donc, quand j'ai vu ce jeu qui était déjà tout fait pour le reste du bouquin, j'ai arrêté, parce que c'était trop simple. De postuler l'infini à l'intérieur du fini, c'était un postulat philosophique. Ça ne correspondait pas à ce que j'avais compris ailleurs. Donc, vous voyez un peu pourquoi j'ai désarmé la philosophie. D'ailleurs, Lévi-Strauss lui-même avait eu un peu le même parcours. Oui, il a aussi passé l'agrégation de philosophie avant de se tourner vers l'ethnologie. Tout à fait. Comment distinguez-vous l'anthropologie de l'ethnologie ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de... L'ethnologie, c'est le terme ancien ethnie. Hein, c'est un groupe de tribus. Et l'anthropologie, c'est anthropos. Donc, c'est une théorie de l'homme et de l'humanité dans toutes ses facettes. Et donc, en fait, la mutation s'est faite à la fin du 19e siècle. L'anthropologie était anthropologie physique au 19e. Hein, on faisait des brachycéphales, des dolichocéphales, etc. Et aux États-Unis, on a commencé avec Boas à ne plus utiliser le mot ethnologie, mais à prendre anthropologie. Alors, il y a eu les 2 courants qui se sont opposés aux États-Unis et ailleurs. Anthropologie sociale, les rapports sociaux, les logiques. Anthropologie culturelle, donc les formes de représentation, ces 2. Et nous, surtout à partir de Lévi-Strauss, on a abandonné le mot ethnologie et pour anthropologie. Et donc, par exemple, le laboratoire de Lévi-Strauss s'appelait le laboratoire d'anthropologie sociale. Donc, en fait, on s'est uniformisé avec le monde anglo-saxon. Et évidemment, il y a une prétention, au lieu d'ethnologie, anthropologie, c'est un peu totalitaire, hein, c'est-à-dire... à nous, l'ensemble du monde. Alors, le parti pris de l'ethnologie et de l'ethnologue, c'est d'essayer de comprendre l'homme, certes, mais l'homme avec les autres, et toujours au sein d'une société. Lévi-Strauss disait, s'il n'y a pas d'humanité sans langage, il n'est pas non plus de société sans parenté. Et c'est donc non seulement comprendre l'homme avec les autres, mais selon les liens qui l'unit aux autres, et ces liens-là sont, de manière privilégiée chez Lévi-Strauss et chez vous également, ceux de la parenté. Oui, il y a peut-être une différence importante. À un moment... la parenté apparaissait comme le fondement des sociétés primitives. On faisait des restrictions sur nos sociétés de caste et de classe parce que l'État étant là, on voyait la parenté à une place seconde. Mais on la voyait à une place fondamentale pour les primitifs qui n'ont pas de classe, qui n'ont pas d'État. Bon, cette pensée, si vous voulez, je ne la partage pas. Mais évidemment, l'importance de la parenté est évidente. Évidente. Dans toutes les sociétés, il y a un système de parenté. Et dans toutes les sociétés, la parenté, c'est ce dans quoi on naît. C'est la première... naïté du verbe naître, ouais, ou... naître, oui, naître. C'est-à-dire, c'est là que, quels que soient les parents, hein, on prend les premiers pas dans la vie. Hein. Un bébé ne s'élève pas lui-même. C'est toujours des adultes qui vont l'élever. Et ce sont en général des adultes qui sont des parents vis-à-vis de lui-même, hein, vis-à-vis d'eux. Et donc, la parenté n'est pas le fondement de la société, il faut le dire, ni la famille, mais la parenté est fondamentale pour la constitution de l'individu, pour ses premiers pas, sa structure première dans la vie. Ensuite, évidemment, c'est autre chose qui lui donne une expérience, l'école ou autre chose, ou la politique ou n'importe quoi. Donc, si vous voulez, ma position concernant la parenté, c'est, pour nous, c'est notre pain quotidien, la parenté, les anthropologues, non ? Mais quand vous arrivez dans une société différente... vous êtes obligé de constater, peut-être contre une tradition anthropologique, que ce qui fait parenté, ce qui fait société, ce sont des rapports politico-religieux. C'est ça qui englobe la parenté, qui la traverse, qui lui donne des fonctions que la parenté n'a pas par elle-même, d'hériter de la terre, un statut politique, etc. Donc, en fait, il y a eu un décentrement par rapport à cette époque de l'anthropologie où la parenté était notre pain quotidien. On fait un peu plus. Et en plus, on a changé la perspective sur la parenté. C'est pas la parenté qui est le fondement des sociétés. C'est le politico-religieux. Et dans nos sociétés, il y a une séparation, que vous savez, de l'État et des religions. Donc, les religions sont privées et non pas publiques. Il n'y a pas de religion d'État chez nous. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de sociétés. Et donc, c'est un phénomène récent. Mais dans l'histoire de l'humanité, ce qui fait des sociétés, les Grecs, la police, etc., c'est toujours un ensemble politico-religieux. Je crois que la façon la plus simple de faire comprendre ce que c'est que le structuralisme, dire nous avons affaire, nous autres qui étudions les hommes ou les sociétés humaines, à des objets qui sont extraordinairement compliqués, qui sont en réalité beaucoup plus compliqués que les plus compliqués de ceux que nos collègues biologistes ou physiciens étudient. Et donc qu'à la limite, nous ne sommes pas capables de décrire de façon satisfaisante. Un petit peu comme un visage humain. Enfin, vous pouvez lire pendant 20 pages de Proust la description du visage d'Odette de Crécy, disons. Vous ne verrez pas Odette de Crécy. Tout ce que vous saurez, c'est qu'elle n'avait aucun rapport avec René Lamouti. Mais enfin, vous ne pourrez pas voir le visage d'Odette de Crécy. Albert Durer s'est aperçu que s'il n'était pas possible de décrire très exactement un visage et un autre visage, on pouvait trouver une règle de transformation très simple qui permettait de passer de ce visage A à un visage B par une déformation en elle-même facile à réaliser. Et bien, au fond, le structuralisme, c'est ça. C'est en face d'objets très compliqués de se dire nous n'essayerons pas de décrire ces objets dans les moindres détails, parce que nous n'y arriverions jamais, et une vie ne serait pas suffisante pour décrire une heure de la vie d'une société humaine de 50 personnes. Mais nous essaierons de comprendre quelle est la différence entre cette société et une autre société. Et nous apercevons que si chacune de ces sociétés prises à part est très compliquée, en réalité, la différence entre elles, la relation entre elles peut être plus simple. C'est parce que l'ethnologue, en particulier Claude Lévi-Strauss et vous-même, Maurice Godelier, a insisté sur l'importance de la parenté, donc d'un lien qui unit les hommes entre eux, même si celui-ci n'est pas le fondement de la société, qu'on peut comprendre ce que vous voulez dire lorsque vous dites que l'ethnologie permet de comprendre l'homme, justement. Il ne s'agit pas de comprendre l'homme, mais les relations dans lesquelles il s'inscrit, et donc fait, l'importance de la structure, pour se référer ici au structuralisme. Il faut expliquer un peu que les rapports sociaux, si vous voulez, quels qu'ils soient de parenté, politique, religieux, ont tous une logique. Et cette logique n'est pas apparente. Et donc, être structuraliste, c'est aller chercher la structure cachée qui explique la logique de comportement ou la logique de pensée. Si la structure était immédiatement visible, on n'aurait même pas besoin de travailler. Il suffirait de regarder les gens, prendre des notes, et ça y est, on comprendrait. La compréhension et donc l'entendement serait immédiatement éclairé. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, il y a deux choses dans ce que disait Lévi-Strauss ici. La logique n'est pas apparente, mais c'est celle qui conduit la pratique des gens. Bon. Et deuxièmement, il parle de transformation, transformer un visage en un autre par une règle de transformation. Donc Lévi-Strauss a beaucoup insisté sur la structure ne suffit pas à comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est les transformations de la structure. Et les transformations de structure passent d'une variante à l'autre, etc. Alors, si vous voulez, là aussi, il y a un problème, parce que si vous avez des transformations qui transforment la structure, à la fin, c'est une autre structure qui apparaît. Et on passe d'une logique avec une structure à une autre logique avec une autre structure. Là, si vous voulez, le structuralisme à l'époque de Lévi-Strauss ne pouvait pas aller jusque-là. C'est-à-dire que toutes les transformations d'une structure aboutissent à une autre structure. L'engendrement d'une structure. Bon. En plus, ce n'est pas les structures qui s'engendrent elles-mêmes. C'est nous qui vivons nos rapports. Et c'est en vivant nos rapports et en les changeant pour de multiples raisons qu'on fait émerger dans nos rapports une structure nouvelle. Donc, si vous voulez, on ne peut pas ne pas être structuraliste. Mais on peut aussi avoir une autre philosophie que Lévi-Strauss face aux structures humaines qu'on découvre et aux transformations auxquelles on assiste. Donc, mais en fait, gardez dans la tête que pour avoir une intelligibilité du réel, il faut être capable de comprendre une logique cachée et ses transformations. Ça, c'est le premier point. Mais dire que la structure n'est pas visible, qu'elle ne découle pas de l'observation, est-ce que ce n'est pas du coup reproduire une abstraction, celle que vous reprochez à la philosophie ? On vérifie, vous avez raison, mais on vérifie par rapport à la pratique des gens si ce qu'on a compris, alors je ne vais pas faire un exposé, mais par exemple, dans les systèmes de parenté, il y a un dualisme dans beaucoup de systèmes. Il y a les femmes qu'on ne peut pas épouser, inépousables, les femmes qu'on peut épouser. C'est ce que Lévi-Strauss et nous, les professionnels, on appelle les cousines croisées sont épousables. Les cousines parallèles, c'est comme des sœurs, on n'épouse pas sa sœur à cause du tabou de l'inceste. Donc si vous voulez, à partir de cette simple opposition et dichotomie ou division pour les femmes entre les hommes qui ne peuvent pas épouser, pour nous les femmes qu'on ne peut pas épouser, on peut anticiper les choix que vont faire les gens dans l'union matrimoniale ou dans le compagnonnage, etc. Donc vous voyez, ce que vous dites concernant l'abstraction, c'est une abstraction qui peut être vérifiable empiriquement et qui permet, si on la comprend, si on la dégage, hein, parce que le travail de terrain ne vous fait pas dégager. C'est le boulot après d'analyse des matériaux qu'on ramène qui nous fait dégager une logique que les gens vous ont peut-être expliquée, mais c'est à vous de la découvrir. Et là, vous anticipez peut-être comment une fille va se marier ou pourquoi on va la donner à tel clan plutôt qu'à tel clan, etc. Donc, peut-être les philosophes n'ont pas la capacité de mettre en expérimentation leurs hypothèses, vous voyez, tandis que nous, on peut le faire. Donc c'est pour ça qu'on est des scientifiques et non pas des philosophes. Oui. Bon, je ne répondrai pas ici au nom de tous les philosophes, mais je reviendrai... C'est une petite provocation que j'ai faite. Que j'ai bien comprise. Ce que vous dites de la structure au sein de la société, c'est-à-dire que cette structure peut évoluer, qu'elle se transforme et qu'elle aboutit en une autre structure, a une conséquence très importante et fondamentale qu'il faut garder en tête, c'est que donc la structure d'une société peut évoluer sans que cette société ne s'effondre. Bien sûr, et là, c'est absolument important de remarquer ça aujourd'hui. Bien sûr. On tout le débat sur le mariage pour tous et l'homoparentalité qui nous a accompagnés toute cette année, notamment, et même une partie de l'an dernier. Vous avez pris position par rapport à ce débat en disant bien que la structure familiale évolue, mais que la société n'a aucun souci à se faire, que rien ne va s'effondrer parce que la structure change. Oui, c'est des métamorphoses d'un système. Il n'a pas beaucoup changé. Hein. C'est la monogamie, officiellement, un homme et une femme, n'est-ce pas, des enfants. Et regardez, même si vous prenez un couple de lesbiennes, pour cette couple de lesbiennes, soit l'une des deux engendre un enfant et l'enfant porte le nom des deux, n'est-ce pas? Et donc, ça fait une famille comme d'habitude, c'est-à-dire entre deux femmes ou deux hommes, mais c'est-à-dire ça reproduit quand même toujours les familles nucléaires que nous sommes, que nous avons en Europe, vous voyez, les familles nucléaires. Et au contraire, si vous allez dans d'autres sociétés, eh bien, un homme a plusieurs épouses, parfois une femme a plusieurs maris, etc. Donc, germanité, paternité, maternité n'ont pas le même sens. Chez nous, c'est fixé sur un individu, un homme, une femme, etc. Là, c'est sur plusieurs individus. Donc, si le père qui couche avec votre mère, il meurt, j'ai encore 5 pères, et tous les enfants de mes pères sont mes frères et sœurs. Donc, ce n'est pas du tout le même système de solidarité, ce n'est pas les mêmes interdits sexuels, etc., que chez nous. Donc, quand vous avez un peu ça dans la tête, vous voyez si nous sommes en train de briser la société, ou bien au contraire, tout simplement d'évoluer dans la société. Et pourquoi ? Parce que dans notre société occidentale, à travers les progrès de la science, il faut bien le dire, l'homosexualité a été découverte comme une sexualité autre, mais normale. C'est-à-dire que nous sommes tous bisexuels. Évidemment, dans la vie, le côté homosexuel que nous avons est refoulé pour la majorité des gens. Ce n'est pas pour tous, mais c'est refoulé. On a essayé à un moment, si vous le savez, de faire que les homos redeviennent hétéros. C'était des souffrances inouïes. Et en médecine, vers 1930, aux États-Unis, l'homosexualité n'est plus une pathologie. Ensuite, plus tard, dans les associations de psychos, ce n'est plus une perversion, donc ça devient de plus en plus une autre sexualité, mais normale. Et ensuite, il y a eu une découverte dans la primatologie, hein, c'est-à-dire les deux primates les plus proches de nous génétiquement, le bonobo et le chimpanzé, sont bisexuels. C'est-à-dire quand les femelles sont en rut, les rapports sont hétéros, mais entre-temps, les hommes se masturbent entre eux. Mais lorsque vous dites que nous sommes tous bisexuels, sur quoi vous fondez-vous? Sur une observation de terrain qui est donc de manière empirique J'ai beaucoup de sociétés. Moi, j'étais dans une société, les Barouillas, où tous les garçons de 9 ans à 20 ans étaient homosexuels quand même. Oui, mais alors c'est dans une société, donc vous postulez derrière l'universalité de l'humanité. Oui, oui. C'est-à-dire que l'homme, quelle que soit la société dans laquelle il vit, est le même. Oui, c'est-à-dire, au niveau biologique, nous avons deux sexualités en nous, c'est comme ça. Freud l'avait découvert sans observation biologique, il l'a découvert sur le divan, à travers les désirs de ses patients, n'est-ce pas? Il avait découvert à l'intérieur, il avait entendu la bisexualité, j'allais dire, chez les gens, sur le divan. Avec les primatologues, il les observe simplement sur le terrain, vous comprenez? Alors on peut postuler, en effet, que nous sommes tous universellement bisexuels. Et alors, après, qu'est-ce que les sociétés ont fait de l'homosexualité? Vous avez lu les philosophes grecs, Socrate était certainement homosexuel, et d'autres, et c'était un amour entre hommes. Bon, Lesbos, c'était bien des lesbiennes. Les lesbiennes, c'était l'aristocratie de cette petite île. Et les aristocrates femmes étaient à la fois poétesses, elles avaient des enfants et elles étaient aussi lesbiennes. Donc, si vous regardez ça, prenez dans d'autres sociétés, en Afrique, etc., l'homosexualité a été soit complètement refoulée, hein, comme interdite, comme dans l'islam, par exemple, qui interdit les amours entre hommes ou entre femmes. Et dans d'autres sociétés, l'homosexualité est utilisée socialement dans des institutions, est institutionnalisée, comme chez les Barouillas, pour grandir l'homme aux dépens des femmes. C'est-à-dire l'homosexualité, par exemple, chez les Barouillas, c'est que les garçons seront refaits par l'homosexualité sans les femmes. On fait deux fois les garçons, une fois dans le ventre des femmes, mais l'impureté des femmes se communique aux garçons. Et c'est les hommes ensuite qui refont. Vous voyez, tout ça, c'est de l'imaginaire, hein, vous comprenez. Donc c'est l'imaginaire, mais c'est des pratiques symboliques sur les corps qui aboutissent à construire l'homme comme celui qui représente la société et qui la gouverne. Donc là, l'homosexualité, ce n'est pas la gay pride. L'homosexualité, c'est au service de la construction de la domination masculine. Donc quand vous avez des expériences comme ça, vous voyez ce qu'est l'homosexualité selon les sociétés. Bon, mais notre société occidentale, aujourd'hui, estime que c'est possible de vivre d'un côté sa sexualité homo qui est normale mais autre, et d'assouvir ou d'assumer le désir d'enfant. Or, le désir d'enfant, c'est un phénomène moderne des sociétés occidentales. Regardez Noël, tout le monde se précipite pour acheter je ne sais quoi, pour mettre au pied des arbres de Noël. C'est l'enfance qui est valorisée, qui valorise les parents, mais c'est tout à fait nouveau. Donc vous pouvez comprendre qu'un jour, dans nos sociétés modernes, on a pu avoir des gens qui revendiquaient de vivre leur homosexualité et aussi d'avoir des enfants. Mais c'est aussi possible. Notamment parce que la notion de parentalité n'est pas entendue dans un sens biologique. Bien sûr, mais la parentalité, c'est un certain nombre de fonctions qui sont universelles. Ce qui n'est pas universel, c'est selon les systèmes, qui va assumer ces fonctions. La première fonction, c'est la conception. La deuxième fonction, c'est donner un nom. Un enfant qui n'a pas de nom n'existe pas socialement. La troisième fonction, c'est apporter the care, comme disent les Américains, c'est-à-dire élever, le protéger soin. Et tout ça. La quatrième fonction, c'est souvent de donner un statut à l'enfant, c'est-à-dire un fils de Brahman sera Brahman. Vous voyez, la sixième fonction, c'est une autorité. Quels sont les adultes qui ont autorité sur les enfants? Et la dernière fonction de la parentalité, c'est s'interdire des rapports sexuels avec l'enfant. Donc c'est la prohibition de l'inceste ou d'autres formes de sexualité qu'on ferait porter sur les enfants. Donc, c'est un interdit pour certains adultes de pratiquer la sexualité avec des enfants. Donc vous voyez. Alors ça, c'est universel. Seulement, c'est pas chez nous, c'est réduit à un homme et une femme, le mariage. Dans d'autres sociétés, c'est une alliance entre des clans. C'est... mais les fonctions sont universelles. Ce qui est particulier, c'est la structure et les individus qui vont assumer ces fonctions. Aucune société n'est parfaite. Toute comporte, par nature, une impureté incompatible avec les normes qu'elle proclame et qui se traduit concrètement par une certaine dose d'injustice, d'insensibilité, de cruauté. Comment évaluer cette dose ? L'enquête ethnographique y parvient, car s'il est vrai que la comparaison du petit nombre de sociétés les fait apparaître très différentes entre elles, ces différences s'atténuent quand le champ d'investigation s'élargit. On découvre alors qu'aucune société n'est foncièrement bonne, mais aucune n'est absolument mauvaise. Toutes offrent certains avantages à leurs membres, compte tenu d'un résidu d'iniquité, dont l'importance paraît approximativement constante et qui correspond peut-être à une inertie spécifique qui s'oppose sur le plan de la vie sociale aux efforts d'organisation. Cette proposition surprendra l'amateur de récits de voyage, ému au rappel des coutumes barbares de telle ou telle peuplade. Pourtant, ces réactions à fleur de peau ne résistent pas à une appréciation correcte des faits et à leur rétablissement dans une perspective élargie. Prenons le cas de l'anthropophagie. De telles fringales, nulle société n'est protégée. La famine peut entraîner les hommes à manger n'importe quoi. Mais surtout, nous devons nous persuader que certains usages qui nous sont propres, considérés par un observateur relevant d'une société différente, lui apparaîtrait de même nature que cette anthropophagie qui nous semble étrangère à la notion de civilisation. Aujourd'hui, nous sommes déjà sur le point de conquérir notre galaxie. Et dans un temps très proche, nous envisagerons la conquête de l'univers. Pourtant, l'homme semble ignorer que sur notre planète, il y a encore des gens qui vivent à l'âge de pierre et pratiquent le cannibalisme. Qu'il y a des tribus primitives, isolées dans un environnement dur et hostile, où pour survivre règne la loi du plus fort. Cette jungle, que ses habitants appellent l'enfer vert, se trouve seulement à 4 heures d'avion environ de la ville de New York. Était-ce, pour nous ramener à la réalité, que 4 jeunes Américains y sont allés pour faire un documentaire sur la vie de cette jungle, ou était-ce aussi pour nous rappeler qu'avant de vouloir s'aventurer dans l'espace, nous devions apprendre peut-être avant à connaître la planète sur laquelle nous vivons? 4 jeunes Américains pleins de courage, élevés à l'âge spatial, armés de caméras, de micros et remplis de curiosité. Là, à la lisière du Brésil et du Pérou, ils vont prendre un avion qui les emmènera au Rio Ocoro, le dernier poste avancé d'où ils continueront à pied au plus profond de la jungle amazonienne, dans l'endroit connu sous le nom de l'Enfer Vert. Mademoiselle, n'avez-vous pas peur ? Oh non, pas du tout. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans des endroits dangereux avec eux. Et vous, Alan ? Une seule chose me fait encore peur. Le mariage. Il m'emmènerait au pôle Nord pour éviter ça. C'est un peu ce qu'il fait cette fois-ci. Oui, mais c'est la dernière fois. Oui, si on revient entier. J'ai toujours pensé que les amours les plus belles étaient les amours incestueuses. Il y avait dans ton regard une lumineuse tendresse. Tu voulais vivre avec moi les plus belles heures, les amours les plus. De l'anthropophagie aux amours incestueuses. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Bienvenue sur les chemins du vendredi. Aujourd'hui, je reçois l'ethnologue Maurice Godelier, auteur d'un ouvrage consacré à Lévi-Strauss, publié au Seuil en octobre dernier. Toi, on adore les sons, toi, ma déchirure. Tu as couché tes 20 ans à ma quarantaine. Mais à peine sont-elles nées, qu'elles sont déjà condamnées, les amours de la désespérance. Pour que ne ternisse jamais ce diamant qui nous fut donné, j'ai brûlé notre cathédrale. Les amours les plus belles âmes. Yes, Aucune société n'est parfaite, écrit Lévi-Strauss dans Triste Tropique, le texte qu'on a entendu juste avant, qui date de 1955, interprété par le comédien Mathias Mine. En sortie de ce texte, on entendait un extrait d'un film très étonnant de Ruggero Deodato, Cannibal Holocaust, qui lui date de 80, où les questions de ces journalistes qui vont explorer des territoires, où ils vont faire l'expérience, je ne dévoilerai pas tout, mais c'est un film absolument horrible à regarder, hein, d'anthropophagie. Oui, mais bon. Alors la question que j'aimerais vous poser à partir de là, puisqu'en écoutant la chanson de Barbara sur les amours incestueuses, on peut se poser la question de quand Lévi-Strauss affirme qu'aucune société n'est parfaite, que chaque société comporte son lot de transgressions, d'interdits transgressés, qu'il y a une notion peut-être de bien et de mal. Comment expliquer d'un côté que l'inceste soit la prohibition qui fonde la société, qui fasse passer de l'état de nature à l'état culturel des sociétés, alors que l'anthropophagie, elle, est considérée aussi comme un tabou, mais qui n'est pas fondateur de la société. Donc comment comprendre ici ces deux... C'est un petit peu plus complexe. Hein. C'est pour ça que je vous pose la question, éclairez-nous là-dessus. D'abord, l'anthropophagie, il y a deux sortes d'anthropophagie. Et vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec ce délire sur le côté obscur. L'anthropophagie endo, c'est celle où des gens mangent leurs cadavres. C'est-à-dire qu'ils refusent qu'un cadavre, enfin dire un corps, soit enseveli dans la terre froide avec les vers et bouffé par les vers, et ils se le mangent eux-mêmes. C'est-à-dire que leur corps devient le réceptacle de leurs ancêtres. Donc c'est pas du tout une anthropophagie délirante et grossière, c'est un immense respect pour ceux qui vous ont quitté et vous offrez votre corps comme tombe pour ceux qui vous ont quitté. Donc vous voyez, c'est assez superbe. C'est presque un rituel religieux, alors. Tout à fait, tout à fait. La deuxième anthropophagie, et là j'ai vécu avec une société qui était quand même cannibale 15 ans avant que je n'arrive. Donc qu'est-ce que c'était ? C'est vous dévorez, vous mangez vos ennemis. Et pourquoi ? C'est une sorte de guerre absolue. Quand vous mangez le corps de vos ennemis, c'est pas seulement, comme on a dit dans la littérature ethnologique, pour prendre la force de l'autre. C'est pour lui interdire de devenir un ancêtre. C'est-à-dire, vous tuez le type, à la fois, ou la femme, à la fois comme un être vivant, mais vous lui interdisez, par là, de devenir un ancêtre protecteur de sa propre famille ou de sa propre tribu. Donc, d'un certain point de vue, c'est une guerre poussée à l'extrême. Non seulement on détruit les corps, mais on détruit l'esprit. L'esprit, comme vous voyez ce que je veux dire, un esprit qui devient éternel, enfin immortel, à cette manière-là. Donc, c'est ça l'anthropophagie. Ce n'est pas forcément le côté obscur des sociétés. Hein. Bon, maintenant, l'inceste. Donc, il y a des sociétés dans lesquelles, vous le savez, un homme et une femme, par exemple, s'ils sont le fils et la fille d'une famille, peuvent se marier. Donc, à ce niveau... intragénérationnel, il n'y a pas d'inceste. L'inceste existe partout, mais dans certaines sociétés, le mariage frère-sœur, qui est ce que Lévi-Strauss refuse d'un certain point de vue, car pour lui, on échange sa sœur pour aller sœur des autres, n'est-ce pas ? La parenté pour lui, c'est l'échange des femmes entre les hommes pour les hommes, non ? Formule que j'ai apprise quand j'étais jeune. Ben, ce n'est pas comme ça tout à fait que ça marche. Pourquoi ? On a découvert beaucoup de sociétés, et dans l'Antiquité, par exemple, la Perse antique, où il y avait le manichéisme, le bien, le mal s'opposent, n'est-ce pas ? Alors, le mariage ou l'union la plus valorisée socialement, et pas du tout de la porno, c'était le mariage d'un frère et de sa sœur, célébré par un moine ou un prêtre zoroastrien qui avait lui-même épousé sa sœur. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que ce couple refaisait un mariage divin. Il faisait et il repoussait le mal dans le monde et donc il servait la société en épousant la sœur et le frère. Et donc le mérite, c'était d'être les premiers dans la société et ensuite, au paradis, paraît-il, ils étaient au premier rang. Donc là, vous comprenez, il n'y a pas d'inceste. C'est un mariage divin fait par les hommes, élevant l'humanité vers les dieux, vers ces dieux. Enfin, mais le père ne couchait pas avec sa fille, la mère ne couchait pas avec son fils, avant que le fils et la fille s'épousent. Donc vous comprenez, le tabou de l'inceste est universel, mais il faut savoir le penser dans toutes ses modulations. Alors maintenant je reviens au tabou de l'inceste universel. Hein. On élimine ses variations, etc. que d'ailleurs les philosophes ne connaissent pas la plupart du temps, parce que le mariage dans l'Antiquité, à grec par exemple, où on pouvait épouser une fille d'un autre mari que de sa mère, une demi-sœur, donc très proche, non ? Et en fait, c'est le christianisme qui, dans l'Antiquité, a pris le mariage romain, qui était un mariage homme-femme, famille nucléaire, l'a encapsulé, et ça dure jusqu'à nous. Hein ? Bon, donc, des formules impossibles aujourd'hui de mariage étaient possibles en Grèce antique, hein, ou à Sparte, etc., en Perse, en Égypte, etc. C'était pas seulement le pharaon qui épousait sa sœur. On a maintenant toutes les statistiques qui montrent des lettres d'amour entre un frère et une sœur. Passons là-dessus. Revenons maintenant un peu au cœur. On n'épouse pas sa sœur, ou pour un garçon, pour une fille, il n'épouse pas son frère en général. Hein. Donc on est obligé de chercher ailleurs un compagnon, une compagne. Ok ? Donc c'est là le lien entre la descendance et l'alliance. Donc Lévi-Strauss, qu'est-ce qu'il a fait et sa force, si vous voulez, dans les années 45-47, les Anglais, les Anglo-Américains avaient mis tout l'accent sur la descendance, patrilinéaire, matrilinéaire, bon, on avait le compte des systèmes. Ils avaient totalement oublié qu'un système fonctionne aussi, à cause de l'interdit de l'inceste, par des règles d'alliance qui sont spécifiques selon les sociétés. Donc Lévi-Strauss a foncé complètement dans la faille anglo-saxonne, et il a mis au premier rang l'échange des femmes. Bon, après, on a découvert l'échange des hommes, vous le savez, dans certaines sociétés, c'est les sœurs qui échangent leurs frères, etc. Mais l'échange est resté comme structure de base universelle. Au dépend de la filiation chez Lévi-Strauss, qui accorde beaucoup d'importance. Oui, alors c'est là que ça ne marche pas, parce que regardez ce qui se passe maintenant. Revenons dans nos sociétés. Vous avez maintenant une ouverture énorme. Les gens se marient ou se marient pas, ils vivent en compagnonnage, on a le concubinage, on a plein de formes ouvertes d'alliances. Ça ne dure pas très longtemps, vous savez que dans l'île de France, ça dure 7 ans, une union, qu'elle soit de mariage. Au bout de 7 ans, ça déménage. Une moyenne de 7 ans. Oui, 7 ans. Bon, que les enfants, 80% des enfants naissent, on peut dire, hors mariage. Après, ils sont reconnus, etc. Donc tout ça, c'est notre évolution. Mais regardez ce qui se passe. En même temps que s'ouvrent les formes d'alliance, hein, eh bien, l'État protège la descendance. C'est-à-dire, le droit fait que vous divorcez, vous allez vivre avec une autre femme qui amène ses enfants, vous devez vous comporter comme un père pour les enfants vis-à-vis des enfants, et vous ne couchez pas avec les enfants du premier lit. Hein. Maintenant, vous avez, vos enfants sont partis avec votre femme, et elle vit avec un autre homme, hein, ça arrive souvent, non ? Eh bien, vous avez la même responsabilité même si, vis-à-vis de vos enfants, même s'ils sont partis avec votre femme, vivre avec un homme différent. Vous gardez la responsabilité morale, disons, sociale, économique vis-à-vis des enfants après le divorce, après séparation. C'est-à-dire que le destin des adultes et leurs amours ne pèsent plus maintenant sur les enfants, ne doivent plus peser sur les enfants. Donc c'est la consolidation de la descendance alors que s'ouvre l'alliance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous voyez, si vous observez ce qui se passe dans notre société, on a une flexibilité des alliances de plus en plus, les choix individuels. Mais vous comprenez aussi quelque chose. C'est que si l'humanité avait confié à l'amour son progrès comme aujourd'hui, on ne serait pas loin. On ne serait pas très loin. C'est pour ça qu'il y a des systèmes de parenté. Aujourd'hui, loin de quoi ? Parce que ça serait le désordre total. C'est parce que la société devient de plus en plus individualise, propriété privée, individualise des choix, liberté de pensée et d'action pour l'individu, ce qui n'existe pas dans beaucoup de sociétés, que maintenant l'amour est l'énergie pour choisir un compagnon ou une compagne. Et donc ça, vous dites, l'amour n'est pas un critère ou une condition suffisante pour fonder société, c'est ça ? Les autres sociétés, les rapports de parenté ne sont pas fondés sur le choix des individus et sur l'amour. Ils sont fondés sur des choses sociales. Mais là, vous émettez un jugement de valeur qui se base sur quoi ? Non, c'est dans l'observation, c'est de dire pas du tout. Je dis que simplement que je constate que dans une société comme la nôtre, individualiste, économiquement et tout ce que vous voulez, philosophiquement, etc., l'amour est devenu le critère du choix d'un compagnon ou d'une compagne. Et donc, quel est c'était le problème, pas le cas. Mais il n'y a pas de problème. C'est simplement comment ça se passe. Les résultats, on les voit maintenant. C'est le déménagement tous les 7 ans et la multiplication des familles recomposées. C'est tout. Donc, une nouvelle formule de parenté, c'est la famille recomposée. Bon, c'est tout qui devient massive. Je sais, puisque ma fille est justement dans cette situation, donc je peux observer de très près l'évolution des mœurs. Mais vous disiez en début d'émission qu'il y a deux façons de penser la société, de fondement à la société. Il y a d'un côté sans doute une forme de parentalité, et de l'autre, oui, l'importance d'une... Vous parliez des structures socio-religieuses. Et oui, politico-religieuses. Politico-religieuses, pardon. Et dans religieuses, peut-être on peut entendre un aspect qui est religieux au sens très large, qui est, oui, celui d'une forme de mythologie dont parlait Lévi-Strauss, tout et qui est une fait manière de former un sens à travers quelque chose. Écoutez, qui n'est pas cette fois-ci de l'ordre de l'expérience. Si vous voulez, toutes les religions reposent sur des mythes contre-intuitifs. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus emporté par Satan sur les toits de Jérusalem et subi au test « si tu es Dieu, jette-toi » Non, ben c'est le début de saint Matthieu. Donc quand vous lisez les évangiles ou d'autres textes hindous ou des grandes philosophies bouddhistes, c'est l'imaginaire. Et l'imaginaire fondateur quand même de la religion et qui induit ensuite des façons d'agir sur vous, sur les autres, hein, par des rites, par des liturgies, par des prières, par des sacrifices. Et donc, si vous voulez, le monde de la religion, c'est le monde de l'imaginaire collectif. Ce n'est pas mon imaginaire particulier, je le partage. Donc c'est aussi très important de pouvoir analyser les mythes fondateurs des religions. C'est là que l'analyse structurelle des mythes est importante. Mais il faut à ce moment-là être capable d'analyser les rites. Si vous voulez, Lévi-Strauss a fait une opposition entre les mythes, forme de la pensée mythique, et les rites comme abâtardissement de la pensée mythique. Les rites étant une manière, en agitant des objets, en répétant des formules, de refaire du continu avec du discontinu rapide. C'est une opposition qui n'existe pas pour nous les anthropologues. Pourquoi ? Parce que ce qui existe, et que vous pouvez constater pour ceux qui ont une religion, qui y croient, qui sont des fidèles, etc., c'est que les rites, c'est la manière d'agir sur soi et sur les autres en fonction des mythes qui sont des vérités existentielles. Ce n'est pas des vérités expérimentale ni scientifique, c'est des vérités existentielles pour les gens. Donc le problème que Lévi-Strauss n'a jamais abordé, c'est la croyance. C'est la croyance que les mythes sont des vérités d'existence. Et ce qu'il a fait, c'est l'analyse remarquable de l'armature interne des mythes, mais pas de leur... Alors, pour les philosophes, c'est très important, de leur position de vérité existentielle. Et leur vécu, et leur, dans la pensée et dans le corps... Ce sont des vérités d'existence, j'agis selon mes croyances. Et ces mythes-là évoluent à mesure que la société évolue. Bien sûr, mais quand même... Ou est-ce que les mythes fondateurs restent les mêmes ? Il y a quand même un invariant, même si le christianisme évolue, est diversifié, il y a l'idée que le Christ était un dieu mort sur la croix pour racheter les péchés de l'humanité. Donc un homme-dieu, ce n'est pas le cas dans le bouddhisme, c'est impossible, puisque pour le bouddhisme, tous les dieux sont des illusions, et le moi lui-même est une illusion. Et donc la conduite vers le post-mortem n'est pas pareille. L'anticipation de votre avenir vivant et mort n'est pas le même dans le bouddhisme par rapport au christianisme, vous comprenez. Le christianisme, il y a l'idée quand même du jugement dernier. Ça n'existe pas dans d'autres sociétés. Il n'y a pas de jugement dernier chez les Barouillas, par exemple. Ils deviennent tous chrétiens. Mais pensez, ils sont tous convertis depuis quelques années à diverses variétés de protestantisme américain. Mais bon... C'est nouveau. Avant, il n'y avait pas d'idée de jugement dernier. Puisque vous prononcez le terme de jugement, une dernière question, je reviens au texte de Lévi-Strauss qu'on a entendu. Aucune société n'est parfaite. Est-ce que l'ethnologue ou l'anthropologue que vous êtes revendiquez une forme d'objectivité et donc une absence de jugement vis-à-vis de la société que vous prenez comme objet d'étude ? Puisque dire qu'aucune société n'est parfaite, c'est Lévi-Strauss qui le dit, pas vous, c'est quand même présupposer une échelle de critères. Vous n'allez pas introduire, après les belles choses que je vous ai dites sur l'anthropophagie, je ne vais pas plaider pour l'anthropophagie ici en France. Vous comprenez, ça n'a pas de sens. Et donc, quel est le côté, par exemple, obscur de ma société ? Je dirais que c'est le nazisme, c'est le racisme, c'est des tas de choses comme ça. Donc j'ai un jugement de valeur. Bon, maintenant, est-ce que je vais dire que l'islam, c'est une mauvaise religion et le christianisme, la vraie religion ? Jamais je ne dirai ça. Jamais je ne franchirai ça. Donc, vous voyez, il y a un côté obscur de notre société, la mienne. Mais je mettrai du temps à déceler le côté noir des autres sociétés. Parce que je vais essayer de comprendre la logique de l'apparition de ces coutumes, de ces formes de pensée, de ces formes d'action. Avant de les condamner, je vais doucement, parce que c'est trop facile d'être un Européen, un Blanc, et d'arriver ailleurs. Merci beaucoup, Maurice Godelier, d'être venu nous parler aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « Lévi-Strauss », par vous, donc, par Maurice Godelier. On trouve ça au Seuil. La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quelles que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements. Je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger. J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est l'heure de retrouver, comme tous les vendredis, Éric Eschiman du Nouvel Observateur. Bonjour Éric. Bonjour Adèle. Je vois écrit Karl Marx sur le livre que vous avez devant les yeux. Absolument, c'est un petit livre, c'est un texte qui n'est pas un inédit, mais qui est ressorti cet été dans une petite maison d'édition, l'édition des Équateurs, et c'est « La loi sur les vols de bois », qui est un petit texte de 1842. Mais pour l'introduire, je voudrais faire appel à l'auditeur qui a peut-être vu Aymat, vous savez, ce film en deux parties. Excellent film, oui. Très, très beau film qui est passé sur les écrans en novembre, qui passe peut-être encore dans quelques salles à l'heure où nous parlons, et qui se passe en 1842, exactement au moment où Karl Marx écrit cette loi sur le vol de bois. Et à un moment dans Aymat, je crois que c'est au début de la deuxième partie, il y a la lecture sur la place publique d'une loi qui vient d'être votée, promulguée, qui interdit le ramassage de bois et de tout type de végétaux dans les forêts. Et l'énumération a un effet comique très fort et indique bien l'espèce de pesanteur sociale de cette Allemagne, de cette Rhénanie des années 1840 qui va pousser certain nombre de ses habitants à l'exode. Alors c'est un texte absolument fascinant, très simple à lire. Très court, visiblement. Très court. Et on voit vraiment comment Marx a une espèce de puissance, de vision. Alors, évidemment, toute l'absurdité d'interdire aux pauvres de ramasser du bois mort éclate dès la première ligne. Mais Marx a une capacité de montrer qu'à travers cette loi, ça dit quelque chose sur ce qu'il appelle l'âme mesquine, stupide et égoïste, l'âme en bois. L'âme en bois du bourgeois, qui est obsédé par la petite chose qui va lui faire mal. Par exemple, le ramassage du bois mort, qui est quand même pas grand-chose et qui va pas priver les propriétaires de grand-chose, voire même de rien du tout. Et il montre très bien comment l'âme en bois, celle qui possède les forêts, celle qui est totalement obsédée par son égoïsme, ne peut pas supporter qu'on lui enlève même une brindille. Et alors, il compare ça au passant qui, lorsqu'on le touche en un point, pense que le point sur lequel on l'a touché est le point le plus important de son être. Et du coup, tout son contact avec le monde va se résumer à ce point, et comme ce point a été agressé, il va rentrer en guerre avec le monde. Et voilà, alors ce bois mort que des pauvres viennent ramasser, c'est insupportable pour le bourgeois, et Marx l'expose en une centaine de pages absolument formidable à lire. Donc la loi contre le vol de bois, La loi sur les vols de bois, c'est chez Karl Marx, aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup Éric. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine consacrée au voyage immobile. D'Oblomov, de Goncharov à Pessoa jusqu'à Jean Giono, la semaine prochaine, partez en voyage en restant chez vous. Et si jusqu'à lundi, vous ne pouvez vraiment pas vous passer de philosophie, rendez-vous dimanche à 16h pour le Gai Savoir de Raphaël Antoven avec Paola Reymann. Raphaël et Paola vous parleront ce dimanche d'une querelle domestique entre Rousseau et David Hume.